بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهل الصحابي ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين. أما بعد، ما معنى يغتسل؟ يغتسل تطيب، يتطيب. الطيب صف. تعلم، يتعلم. أحب، يحب. بكر، يبكر. بكر، يبكر. سبحان الله. فعل تكبير. لا، لسه كبر. بكر. بكر. سبحان الله. Arrivé tôt. Chourouk. Lever du soleil. Ça. Non. Ça, tu comprends. Ghouroub. Ghouroub, c'est la possibilité. Non. Sans ghouroub. هذا العكس من الأول. C'est le contraire de celui qu'on vient de dire. شروق الغروب. Le coucher. Le coucher. ما معنى تقريبا؟ تقريبا. تقريبا. كي. Pour. حين. Au moment de. طيب. اليوم يبي الثاني. املي الفراغات بوضع المناسب مما بين القوسين. الجملة الأولى تفضل. سيقيم الصلاة حين تسمع الأذان. نعم. ستسافر حين تحجز المقعد. نعم، مقعدا. مقعدا. ثالثا. ستتقدم في الدراسة حين تقرأ كثيرا. نعم. تقرأ كثيرا. ستتعلم الكتاب حين تدخل. المدرسة. Quand tu rentreras à l'école. Tu vas apprendre à écrire quand tu rentreras à l'école. Ah ouais, d'accord. Khamisan. Tu verras où tu iras. سادسا. ستعرف نتيجة

يقول أولا أجيب عن أسئلة الآتية من النص دونك ريبون اون كيسيون سوفونت تي دو تيكست متى تنتهي الدراسة كون تتمين لي كور ثانيا كيف ترجع للسكن كومون ريفين تو او دورتوار ثالثا متى او مع من تركب الحافلة avec qui montes-tu dans le bus et là il dit un temps mais il veut que tu t'apprennes le texte pas mal رابعا متى يبدا النشاط الرياضي quand débute l'activité sportive خامسا ماذا نفعل في المساء que fait-on l'après-midi سادسا متى تغسل ملابسك quand laves-tu tes vêtements سابعا لماذا تذهب مبكرا الى المسجد في يوم الجمعه pourquoi vas-tu tôt au masjid le jour du vendredi مفهوم الأسئلة؟ طيب يستكوني غدا إن شاء الله مفهوم tout là les exercices qui sont dans l'écran ils seront pour demain parce qu'elles doivent réfléchir on peut pas les faire spontanément ثانيا رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة donc classe les mots suivants afin de pouvoir former une phrase qui a un sens أولا المعهد الذهب قبل أفطر إلى Donc avec tous ces mots-là, vous les mettez dans l'ordre pour trouver une phrase. Le jumla mufida. Tous les mots, on les connaît déjà. Donc. Thaniyan, as-sakan, sabahan, a'udu, ila, as-sa'at, thaniya, fi, taqriban. Thalithan, al-asr, astarih, salat, qabl. Rabi'an, sallayta, hal, al-maghrib. خامسا الواجب بعد الظهر اكتب المنزلي سادسا اصدقائي ازور يوم الجمعه سابعا دروسي في اذاكر المساء هذا سهل طيب ثالثا إن الفراغات بكلمة مناسبة طيب سيكون وصل لفع عفهم طيب عندك الجملة الأولى عبد الرحمن استيقظ أحمد من نومه نعم مبكرا فصلى صلاة الفجر ثم تناول الطعام Le verbe qu'on employait, c'est quoi pour le. Donc, Taram, elle. Taram, le Fatwa. Dien ou Anam, mais ils ont tombé les liftars. Taram et liftars. Nam. En fait, c'est Astaïd. Ils n'ont pas mis le Hamza sur le Hamza Tricota. En fait, c'est Astaïdda. Astaïdda. Astaïdda, il y a le masjid. Là. Il y a le matrasa. Aïe, wa, khas, al-baqi, y'a un mec. Wa-sil. Enchaîne. Wa. Wa. وأنت ذرا أحمد ما قل بي أحمد هناك حتى الساعات ثانية وعشر Il attend avant d'aller à l'école. À quelle heure ? Trouve une heure avant l'école. Famina. Dame.

mal moudou al lazi tahaddatha anhu l'imam fil khutbati yawm al-jum'ah al-madi. Donc quel sujet a traité, de quel sujet a parlé l'imam dans la khutba du vendredi dernier. Sujet. Khamisan min ayna tashtari at-tib, d'où achètes-tu le parfum? Sadisan, وصلت إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة بعد انتهاء صلاة الجمعة ماذا تفعل؟ Tu es arrivé au masjid après que la salat du jumu'ah soit terminée. Qu'est-ce que tu fais? Sur le fikri. Tu fais quoi? Salat du jumu'ah. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a que ça à faire, frère. Non, il n'y a pas que ça. Comment il n'y a que ça à faire? Non, il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas que ça à faire, frère. Il n'y a pas que ça à faire. Taïb. Khamisan, tu vas faire un bars. Tu vas faire une recherche. Un mas'ala. Savoir si je rentre le jumu'ah, qu'est-ce que je dois faire? Je suis bête. Ah, il va faire bête. Tout cela, c'est plus bête, ce qu'il faut réfléchir. Taïb. Khamisan, il tardive que les mettent à ATF et Jumel Moufida. طيب هو الفاصل في الصلاه اقامه الصلاه ان فاز دون اقامه الصلاه واسبكت للحركه انت تو prepare toi la deuxième المؤذن ينادي لا je t'ai bien dit attention respecte les harakat la iqama tu salah ايوه Et là, il dhamma. Tu gagnes la dhamma. Yuhawilu. داود يحاول أن يفعل الجملة المفيدة. طيب. وداود قد فعل جملة مفيدة. الحمد لله. قد ها؟ تلافت. ثالثا شمس. هذا شمس بعد حركة. تو استعد استعداد. فكر الآن. طيب. استعداد الإفطار طويل. لا استعداد c'est se préparer, c'est se préparer vraiment. استعداد c'est se préparer. Ah c'est se préparer. Donc استعداد. Un mazdar. C'est un mazdar, c'est-à-dire le fait de se préparer. Mais c'est comment le mazdar istiadad ou... Non, istiadad. Non. Ah, c'est mazdar là, comme on entend. Si tu ne trouves pas, prépare-toi. Ça y est, le Daoud, il y a un jumla mufida, ma istiadad. Là Al-Istiadad li yawm al-jum'a muhim. Ahsant. Ras, repose-toi. Je pense qu'on a vu, mais repose-toi. Taïb. Sinon, Rasil, tu l'as. Le Thani ou Aishirin. Puis l'Akwan, puis Thamin ou Aishirin. De toute façon, ça, c'est les deux dernières parties qui restent du kitab, parce que j'ai regardé la Shafawi, là, à la fin, là. Les images, déjà, sont pas claires. Il y a des trucs qui sont basés sur les images. Ça nous pousse à regarder les images. Et ça, on n'a pas envie. Vous voyez, donc, en fait, c'est deux derniers cours sur les deux derniers. C'est les derniers cours, là? C'est deux derniers sujets, là. Ouais. Dans le Wahda al-Tasi'a, sur les deux derniers cours, pour le kitab. D'accord.